Le général d'armée Park Yong-sik, ministre des Forces armées populaires du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, a publié le 9 juin un entretien qui dit « Quelques jours auparavant s'est tenue à Singapour la réunion pour la sécurité d'Asie 2016. Si c'était pour la sécurité en Asie, elle aurait dû porter sur des mesures pratiques en la matière pour la solution. Pourtant, les ministres de la Défense nationale des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud ont tenu un conciliabule à part et y ont parlé d'une application parfaite de la sanction contre le Nord et d'une étroite collaboration continue en pérorant que notre quatrième essai nucléaire suivi du lancement de notre missile constitue une violation de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et du droit international. Ils sont allés jusqu'à déclarer ne pas se présenter maladroitement à un dialogue avant notre affirmation évidente de l'intention de l'abandon du nucléaire et renforcer la collaboration militaire face à la menace du Nord, comme le partage élargi des renseignements militaires sur le Nord à travers le commencement d'exercices pour l'alerte contre des missiles en juillet. Ces sophismes ne nous étonnent pas, puisqu'ils sont lancés par les chefs des autorités militaires de l'impérialisme américain et des réactionnaires japonais, nos ennemis jurés, et des fantoches sud-coréens en proie à la folie de confrontation fratricide. Mais ils ont cherché à tromper l'opinion tout en stigmatisant comme menace nos forces armées nucléaires autodéfensives et nos forces armées stratégiques prestigieuses, même dans une réunion internationale pour la sécurité. C'est le paroxysme de l'effronterie. Les criminels qui ont violé et perturbé en permanence la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne, en nord-est asiatique et dans le monde, dissimulent leurs crimes contre l'humanité et mettent en cause le droit de légitime défense pour la souveraineté du pays et le droit à l'existence de la nation, ce qui est une autre provocation sérieuse impardonnable. Notre dissuasion nucléaire autodéfensive est justement l'épée que nous tenons fermement face aux menées d'agression des forces hostiles contre notre République. Le monde entier connaît très bien quelles seront nos mesures d'autodéfense au cas où la paix et la sécurité sont menacées dans la péninsule coréenne. Toute force hostile qui tente de s'opposer à nous ne peut pas éviter la ruine.